La pensionnaire voilée par Arthur Conan Doyle. Si l'on prend garde que M. Sherlock Holmes exerça son activité durant 25 ans, que moi-même je collaborais 17 ans avec lui, prenant note de ses faits et gestes, on concevra l'abondance des matériaux dont je dispose. Le difficile là-dedans a toujours été non pas de trouver mais de choisir. Mes carnets à eux seuls garnissent toute une longueur d'étagère. Mes cartonniers regorgent de documents, ample pâture pour quiconque s'intéresse non seulement aux crimes, mais aux scandales officiels et sociaux dont fut marquée la fin de l'ère victorienne. Sur ce dernier chapitre, je puis rassurer les personnes qui m'écrivent des lettres de supplication pour qu'ils ne soient pas touchés au bon renom de leur famille et à la réputation d'illustres ancêtres. La discrétion et le haut sentiment de l'honneur professionnel qui ont toujours distingué mon ami, président Courrochois de ses mémoires. Et il ne sera abusé d'aucune confiance. Je réprouve cependant les tentatives récemment faites pour s'emparer de ses papiers en vue de les détruire. L'instigateur en est connu, et j'ai la garantie de Holmes que si elle venait à se répéter, l'histoire du politicien, du phare et du cormoran apprivoisé serait rendue publique. Un de mes lecteurs au moins me comprendra. Il serait plus raisonnable de supposer que chacune des affaires dont je parle fournit également à Holmes l'occasion de manifester ses dons curieux d'instinct et d'observation que j'essaie de mettre en lumière. Mon ami eut parfois bien du mal à cueillir le fruit. D'autres fois, en revanche, le fruit lui tomba tout seul dans la main. Souvent, les affaires qui lui permirent le moins de se faire valoir étaient, humainement parlant, les plus tragiques. C'est l'une d'elles que je désire évoquer aujourd'hui. Je n'y change que les noms de personnes et de lieux. Les faits se passèrent exactement comme je les raconte. Un matin des premiers jours de 1896, je reçus de Holmes un billet qui m'appelait d'urgence. Quand j'arrivai chez lui, je le trouvai assis dans un nuage de fumée. Une dame entre deux âges, sorte d'exubérante et maternelle gaillarde, du type logeuse en garni, occupait le fauteuil en face du sien. « Mrs. Merrillow, de South Brixton, » dit-il en me la présentant. « Mrs. Merrillow ne défend pas que vos familles, Watson, si vous tenez à satisfaire votre infâme vice. Elle a des choses fort intéressantes à nous dire, et dans les événements qui en pourraient découler, votre assistance me serait sans doute utile. En quelque manière que vous ayez besoin de moi. Vous comprendrez, Mrs. Merrillow, que s'il faut que j'aille chez Mrs. Rounder, je préfère y amener un témoin. À vous de l'en prévenir avant que nous n'arrivions. « Bonté divine, Monsieur Holmes, » s'écria notre visiteuse. Mrs. Rounder a une telle impatience de vous voir que vous pourriez traîner après vos talons toute la paroisse. Alors nous serons là de bonne heure dans l'après-midi, mais tâchons en attendant de bien établir les faits. Ainsi le docteur Watson saura de quoi il retourne. Vous dites que depuis 7 ans déjà, vous avez Mrs. Rounder pour pensionnaire et que dans tout ce temps, vous ne lui avez vu qu'une fois la figure. Plutôt ciel que je ne l'eusse jamais vue, soupira Mrs. Merrillow. J'entends qu'elle est affreusement mutilée, au point, Monsieur Holmes, que vous n'oseriez pas appeler ça une figure. Pour l'avoir entrevue un jour que Mrs. Rounder regardait furtivement par la fenêtre, le laitier laissa de saisissement tomber son pot dont le contenu se répandit sur le sable du jardin. Que vous dire davantage? Moi aussi, c'est par hasard que je vis Mrs. Rounder à visage découvert. Elle se cacha vivement de la main. À présent, Mrs. Merrillow, me dit-elle, vous n'ignorez plus pourquoi je ne lève jamais mon voile. Savez-vous quelque chose d'elle? Rien, absolument. Vous donna-t-elle des références quand elle se présenta chez vous? Non, monsieur, mais elle me paya recta sans marchander. Tout un bon trimestre qu'elle mit sur la table. Une pauvre femme comme moi ne peut pas, au temps où nous sommes, se permettre de refuser pareille aubaine. Elle ne vous dit pas les motifs qui lui faisaient choisir votre maison? Ma maison est très écartée de la chaussée, moins exposée aux regards que la plupart des autres. Puis, je ne prends qu'une pensionnaire et je n'ai pas de famille. Je présume qu'après avoir cherché ailleurs, Mrs. Rounder avait trouvé le logement à sa convenance. Ce qu'elle veut, c'est la solitude. Peu lui importe d'y mettre le prix. Et jamais, n'est-ce pas, elle n'a montré son visage, sauf dans une circonstance unique et du reste accidentelle. Voilà une histoire curieuse, en vérité, bien curieuse. Je ne m'étonne pas que vous désiriez l'éclaircir. Oh, pour moi, personnellement, je m'en passerai, Monsieur Holmes. Pourvu que je touche régulièrement mon dû, j'ai tout ce que je demande. Impossible de rêver une pensionnaire plus rangée et avec qui l'on ait moins d'ennuis. Alors, qu'est-ce qui vous tracasse ? Sa santé, monsieur Holmes. Elle dépérit à vue d'œil. Elle lui trotte par la tête je ne sais quoi de terrible. « À l'assassin » crie-t-elle. « À l'assassin !» Une fois, je l'ai entendu crier « Bête féroce, monstre !» C'était la nuit. Cela retentissait dans toute la maison. J'en frissonnais. Au matin, j'allais la voir. « Mrs. Rander, lui dis-je, si vous avez dans l'âme un sujet de trouble, il y a le clergé et il y a la police. L'un et l'autre peuvent vous être de quelque secours. » Mais elle se récria « Au nom du ciel, pas la police !» Et quant au clergé, il ne changeait rien au passé. « Pourtant, continua-t-elle, ce serait pour moi un soulagement de confier la vérité à quelqu'un avant de mourir. « Si vous ne voulez pas de la police régulière, lui répliquai-je, il y a ce détective, je vous demande pardon, monsieur Holmes, dont parlent constamment les journaux. » Elle sauta sur cette idée. « Mais oui, comment n'y pensais-je pas ? » dit-elle. « Allez me le chercher, Mrs. Merrillow. S'il refuse de venir, dites-lui que je suis la femme de Rander, le dompteur de fauves. Dites-lui ça et ajoutez-y. » Le nom d'Abbas Parba. Le voici, ce nom. Abbas Parba, écrit par elle-même. Ou je me trompe bien, ou il viendra tout de suite. Elle avait raison, je suis décidé, répondit Holmes. Allons, c'est bien, Mrs. Merrillow. Je voudrais causer un peu avec le docteur Watson. Cela nous mènera jusqu'au déjeuner. Comptez sur nous vers 3 heures de l'après-midi, dans votre maison de Brixton. À peine Mrs. Merrillow était-elle sortie de la pièce par une série de dordignements qui constituait son mode de progression, je vis Holmes se précipiter avec fureur sur un tas de registres empilés dans un coin. J'entendis pendant quelques minutes les feuillets bruire successivement sous ses doigts. Enfin, un grognement de satisfaction m'apprit qu'il tenait ce qu'il cherchait. Si grande était son excitation qu'il s'assit sur le parquet, les jambes croisées à la façon d'un étrange Bouddha, ses registres épars autour de lui et l'un d'eux ouvert sur ses genoux. Cette affaire m'avait préoccupé à l'époque, Watson. Mes annotations marginales en témoignent. J'avoue que je n'en tirais rien, et toutefois, je gardais la conviction que le coroner s'était trompé. N'avez-vous aucun souvenir du drame d'Abbas Parba ? Aucun, Holmes. Déjà, pourtant, vous viviez avec moi dans ce temps-là. Mes impressions demeurèrent très superficielles. Les renseignements me faisaient défaut pour aller de l'avant, et nul des intéressés ne sollicitait mes services. Peut-être ne serez-vous pas fâché de relire ce qu'imprimèrent alors les journaux. Ne pourriez-vous m'en donner un aperçu ? C'est très facile. D'autant qu'au fur et à mesure les détails vous reviendront sans doute à la mémoire. Rander, qui donnait son nom à un cirque, était le rival de Wormwell et de Sanger, l'un des plus grands directeurs de spectacles forains qu'il y eut à l'époque. On a la preuve qu'il s'adonnait à la boisson et que son établissement périclitait quand survint le drame. La troupe avait fait halte pour la nuit à Abbas Parba, qui est un petit village du Berkshire. Se rendant à Wimbledon par la route, elle ne devait faire que camper à Abbas Parba, la localité n'offrant pas des ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une représentation. Au nom des fauves qu'il exhibait, Rander possédait un très beau lion de l'Afrique du Nord, roi du Sahara, dans la cage duquel il travaillait de concert avec sa femme. La photographie que voici, prise au cours d'une représentation, vous montre que Rander était une sorte de colosse, gras et rond comme un pourceau, et sa femme une personne magnifique. Il ressort des dépositions recueillies pendant l'enquête que le lion avait pu, à certains signes, être reconnu dangereux. Mais la familiarité engendrant toujours le mépris, on n'en avait tenu aucun compte. C'était Rander et sa femme qui, régulièrement, le soir, tantôt ensemble, tantôt séparément, apportait au lion son repas. Ils n'en remettaient le soin à personne, estimant que, nourris par eux, ils devaient boire en eux ses bienfaiteurs et ne leur feraient jamais de mal. Ce soir-là, il y a 7 ans, comme ils vaquaient tous deux à la corvée quotidienne, un événement terrible se produisit, sur les circonstances duquel la lumière n'est pas encore aujourd'hui pleinement faite. Vers minuit, tout le camp fut, paraît-il, mis en émoi par les rugissements du lion et les cris déchirants de la femme. Les employés, les garçons du cirque, s'élançaient hors des tentes, munis de lanternes, dont la lueur éclaira une effroyable vision. Rander, le crâne défoncé à la base, le cuir chevelu sillonné profondément par des empreintes de griffes, gisait à quelques 10 yards de la cage qui était ouverte. Près de la porte, Mrs. Rander était couchée sur le dos et l'animal grondait, accroupi au-dessus d'elle. Il lui avait lacéré le visage d'une telle façon qu'on ne pensait pas qu'elle pût survivre. des hommes de la troupe, dirigés par Léonardo, l'Hercule et Griggs le clown, fit reculer le fauve au moyen de perches, et il finit par ressauter dans sa cage que l'on referma. La manière dont il avait pu s'en évader demeura toujours un mystère. On conjectura que Rondeur et sa femme, ayant voulu entrer dans la cage, le lion avait bondi sur eux sitôt la porte ouverte. Il n'y eut d'intéressant dans les témoignages qu'un seul détail, à savoir que la femme, tandis qu'on la rapportait délirante à sa roulotte, ne cessait de crier « Lâche, lâche !» Personnellement, elle ne fut en état de déposer à l'enquête qu'au bout de 6 mois, et bien entendu, le jury conclut un accident suivi de mort. À quoi d'autre pouvait-il conclure? Sans doute. Et pourtant, un des deux points tourmentait le jeune Edmonds, des constables du Berkshire. Le beau garçon est déluré. On devait plus tard l'envoyer à Allahabad. Je le vis un jour arriver chez moi. Il venait me parler de l'affaire entre deux pipes. Un homme mince, très blond, n'est-ce pas? Vous y êtes. J'aurais juré que vous en souviendriez tout de suite. Que dites-vous qui le chiffonnait? Ce qui me chiffonnait aussi, la difficulté de reconstituer le drame. Considérez-le du point de vue du lion. Libéré, que fait-il? Une demi-douzaine de bonds qu'il met en face de Rondeur. Rondeur se tourne pour fuir. Les marques des griffes sont toutes derrière la tête, mais le lion le renverse. Après cela, au lieu de chercher à fuir, le lion revient vers la femme, qui est proche de la cage, la fait tomber à son tour et la mord au visage. Elle crie, ce qui implique bien, semble-t-il, que son mari l'avait abandonnée. Comment d'ailleurs eût-il fait pour la secourir, le pauvre diable? Vous voyez le point délicat, parfaitement. En voici un autre, qui me revient à la mémoire. Certains témoignages feraient croire qu'au rugissement du lion, au cri de la femme, un homme joignait des clameurs d'épouvante. Rondeur, apparemment. Si déjà il avait le crâne fracassé, il ne devait guère se faire entendre. Deux témoins, sinon plus, déclarèrent que parmi les cris d'une femme se distinguaient nettement ceux d'un homme. Le camp tout entier devait crier à ce moment-là. Pour le reste, je vous proposerai une explication. Heureux de la connaître. Eh bien donc, le mari et la femme sont à 10 yards de la cage quand le lion en sort. Le mari, ayant rebroussé chemin, est renversé. La femme, alors, conçoit l'idée d'entrer dans la cage, c'est son seul refuge. Elle s'élance, elle arrive à la porte, quand le lion bondit derrière elle et sous le choc, elle s'abat. Elle se dit certainement que son mari, en tournant le dos, a favorisé l'agression du fauve, et que s'il avait le cœur de l'affronter avec elle, ils l'eussent tous les deux intimidés. De là, ses cris de lâche qu'elle lui jette. Brillamment pensé, Watson, votre diamant n'a qu'une paille. Laquelle, Holmes? Si le mari et la femme étaient à 10 pas de la cage, comment la bête s'est-elle trouvée libre? Peut-être avait-il un ennemi qui l'aura lâché. Pourquoi, de surcroît, la bête les aurait-elle attaqués quand d'habitude elle jouait avec eux, quand elle faisait des tours avec eux à l'intérieur de la cage? Peut-être l'ennemi dont je parle s'était-il arrangé pour la rendre furieuse? Pensif, Holmes s'absorba quelque temps dans le silence. Voici toujours, Watson, ce qu'on peut alléguer à l'appui de votre thèse. Rondeur était de ces hommes à qui les ennemis ne manquent pas. Je tiens d'Edmonds qu'il était effroyable à prévoir. Quiconque approchait cette formidable brute en recevait une volée d'injures et de blasphèmes. Les cris de monstre, monstre, que Mrs. Merrillow nous a dit avoir entendu proférer par sa pensionnaire, n'étaient, je suppose, qu'un ressouvenir nocturne de l'aimable défunt. Mais tant que nous n'aurons pas la totalité des faits, à quoi sert, Watson, d'échafauder les hypothèses? Il y a dans le buffet du père Droit-Froid et une bouteille de Montrachet. Restaurons nos énergies avant d'y faire un nouvel appel. Au moment où le hansom nous déposa devant la porte de Mrs. Merrillow, la grosse dame bloquait le seuil de son humble mais discret asile. Elle ne cacha point que sa préoccupation dominante était la crainte de perdre une pensionnaire de choix, car avant même de nous introduire, il nous supplia de ne pas dire un mot qui peut avoir ce résultat fâcheux. L'ayant rassurée, nous la suivîmes jusqu'au haut de l'étroit escalier revêtu d'un mauvais tapis. Enfin, nous entrâmes dans la chambre de la mystérieuse pensionnaire. La pièce, mal aérée, sentait le renfermé, ce qui ne pouvait nous surprendre, l'occupante n'en sortant guère. Il semblait que, pour avoir gardé en cage des fauves, cette femme, par un retour du sort, fût elle-même devenue un fauve captif. Nous la trouvâmes assise au fond d'un fauteuil délabré, dans un coin obscur. De longues années d'inaction avaient empâté ses traits, mais elle avait dû à un certain moment être fort belle, et présentait encore une maturité voluptueuse. Les plis d'une épaisse voilette noire lui descendaient sur le visage, jusqu'à la hauteur de la lèvre supérieure, laissant voir une bouche de forme parfaite et un menton finement arrondi. Je m'en rendais parfaitement compte que Mrs. Randler avait dû être une femme des plus remarquables, et j'ajoute que sa voix, bien modulée, avait du charme. « Mon nom ne vous était pas inconnu, Monsieur Holmes, » dit-elle. « Je pensais qu'il beaufrait venir. En effet, madame, mais comment avez-vous pu savoir que je m'étais intéressé à votre affaire ?»« Je le sais depuis l'époque où, revenu à la santé, je fus interrogé par M. Edmonds, le détective du comté. Hélas, je manquais de franchise envers lui. Et peut-être eussé-je mieux fait de lui dire la vérité. On fait toujours mieux de la dire. Qu'est-ce qui vous empêcha d'être franche avec Edmonds ? Le sort d'un autre était en cause. Tout indigne qu'était cet autre, je ne voulus pas avoir sa mort sur la conscience. Nous avions été des amis si intimes. Et vous pouvez aujourd'hui parler en toute sincérité ? Oui, monsieur, l'homme à qui je songe est mort. Pourquoi donc ne pas vous confier à la police ? Parce qu'il y a une seconde personne dont je dois tenir compte. Cette seconde personne, c'est moi-même. Je ne supporterai pas le scandale et la publicité qui s'attacheraient à une information policière. Je n'ai plus que peu de jours à vivre. Je tiens à les vivre en paix. Cependant, je souhaitais de trouver l'homme de jugement à qui je pourrais conter ma navrante histoire, afin que, moi parti, tout s'éclairât. Vous me faites bien de l'honneur, madame, mais en même temps, vous me créez une responsabilité. Sais-je si, après vous avoir entendu, je ne considérerais pas comme un devoir d'aller rapporter vos déclarations à la police ? Je ne le crois pas, monsieur Holmes. Je connais trop votre caractère et vos méthodes. Voilà plusieurs années que je vous regarde à l'œuvre. Lire est le dernier plaisir que m'ait laissé la destinée. Il ne se passe guère au monde d'événements que j'ignore. En tout cas, quelque usage que vous deviez faire de mes déclarations, j'en courrais le risque, et je me serais, en parlant, soulagé le cœur. Mon ami et moi ne demandons qu'à vous entendre. Mrs. Randler se leva et prit dans un tiroir deux photographies. L'une représentait un homme du physique le plus admirable, visiblement un acrobate professionnel. Il croisait les bras sur un torse bombé. Sous sa moustache épaisse jouait le sourire satisfait de l'homme à femme. « Voici Leonardo, » dit-elle. Leonardo l'Hercule, dont la déposition figure au procès-verbal de l'enquête, lui-même, et voici à présent mon mari. L'horrible tête, un pourceau, ou plus justement, un sanglier humain, tant il était formidable dans sa bestialité. On imaginait cette bouche vile, tout écumant de rage, et ses petits yeux cruels, dardant leur malignité sur le monde. Un mauvais coucheur, un casseur d'assiettes, une brute, c'était ce qu'exprimait cette face aux lourdes bajoues. Les deux portraits que vous voyez, monsieur, vous aideront à tout comprendre. J'étais une pauvre enfant de la balle, grandie sur la piste, et qui sautait dans les cerceaux dès avant l'âge de 10 ans. Devenue femme, je fus aimée de cet homme, si l'on peut qualifier d'amour le sentiment que je lui inspirais, et dans un moment fatal, je l'épousai. Dès lors, ma vie fut un enfer. Je connus des tourments diaboliques. Il n'y avait personne dans la troupe qui ne sût comment il me traitait. Il courait après d'autres femmes. Me plaignais-je de ses trahisons, il me lia avec une corde et me fustigeait de sa cravache. Tous avaient pitié de moi et horreur de lui. Mais que pouvait-il faire ? Ensemble ou séparément, ils le craignaient, car il était redoutable à toute heure et capable de meurtre quand il avait bu. Bien des fois, il fut l'objet de poursuites pour violence sur les gens ou pour actes de cruauté sur les animaux, mais il avait de l'argent et se moquait des amendes. Tous nos meilleurs sujets, l'un après l'autre, nous quittèrent. L'entreprise commença de déchoir. Seuls Leonardo et moi restions pour la soutenir, avec le petit Jimmy Griggs, le clown. Ce qu'il voyait autour de lui, le pauvre garçon, n'était pas pour le mettre en verbe, mais il faisait de son mieux. C'est alors que Leonardo prit pied de plus en plus dans ma vie. Vous voyez l'homme que c'était. Je sais aujourd'hui quelle âme piètre habitait ce corps splendide. Mais comparé à mon mari, Leonardo me sembla l'ange Gabriel. Il eut pitié de moi, je trouvais en lui un appui. Bref, à la longue, notre amitié se fit si intime qu'il devint de l'amour. Un amour profond, profond, passionné, tel que je l'avais rêvé parfois et n'aurais jamais espéré l'éprouver. Mon mari y conçut des soupçons. Je crois bien que ce bravage était un lâche. Du moins, Leonardo lui faisait peur. C'est sur moi qu'il se vengea, en me torturant de plus belle. Une nuit, mes cris attirèrent Leonardo jusqu'à la porte de notre roulotte. Nous fûmes, en cette circonstance, tout près d'une scène tragique. Bientôt mon ami et moi comprîmes que nous ne l'éviterions pas. Mon mari n'était pas fait pour vivre. Nous décidâmes sa mort. Leonardo avait l'esprit fertile en ressources. Il combina tout, je ne dis pas cela pour rejeter sur lui le blâme, j'étais disposé à le suivre aussi loin qu'il irait. Mais j'aurais été bien incapable d'inventer une pareille chose. Nous fîmes, ou plutôt Leonardo fit un gourde implombé, à l'extrémité duquel il ajouta 5 longues pointes d'acier espacées entre elles comme les griffes d'un fauve. Cet instrument devait à la fois donner la mort à mon mari et constituer une charge contre le lion que nous aurions commencé par rendre libre. La nuit était fort noire quand nous nous mîmes en devoir, mon mari et moi, d'apporter dans un seau de zinc sa pâture au lion. Leonardo nous attendait au coin de la grande voiture que nous avions allongée pour atteindre la cage. Il n'agit pas assez vite, nous étions déjà passés avant qu'il ne frappât, mais il nous suivit sur la pointe des pieds et j'entendis le bruit du gourdin au moment où il s'abattait sur la tête de mon mari et lui broyait le crâne. Mon cœur fit un saut de joie, je m'élançai, je dégageai le verrou qui tenait fermé la cage du lion. Alors se produisit l'affreuse péripétie. Vous n'ignorez pas combien ces animaux sont prompts à flairer l'odeur du sang humain et combien elle les excite. Certainement, un instinct singulier avait averti le lion qu'il venait d'y avoir mort d'homme. Au moment où je fis glisser les barreaux de la porte, il bondit par l'ouverture. La seconde d'après, il était sur moi. Leonardo se fait précipiter, il eut frappé le lion avec son gourdin, qu'il en serait resté maître et m'aurait sauvé. Mais il perdit la tête. Je l'entendis pousser des cris d'effroi, puis je le vis faire demi-tour et s'enfuir. Et le lion m'enfonça l'écrou dans le visage. À demi asphyxié déjà par son haleine chaude et fétide, je sentis à peine la douleur. Avec les paumes des mains, j'essayai de repousser loin de moi les grandes mâchoires fumantes et sanglantes. J'eus l'impression qu'une grande rumeur courait à travers le camp. Et puis, je revois un groupe d'hommes, Leonardo, Griggs, d'autres encore, m'arrachant aux griffes de la bête. C'est le dernier souvenir que je gardais dans l'accablement des longs mois qui suivirent. Le jour où, rendu à moi-même, je me regardais dans une glace. Ah, combien je maudis le lion pour ne m'avoir pas ôté la vie. Je n'eus désormais qu'un désir, monsieur Holmes, et ma situation de fortune me permettait de le satisfaire, c'était de me cacher si bien que nul n'aperçut plus mon lamentable visage, que nul ne sut plus où me trouver. Il ne me restait que ce parti à prendre, je l'ai pris. L'animal blessé va se tapir dans un coin pour y mourir, ainsi aura fini Eugénie Ronder. Il y eut un instant de silence après que l'infortuné eut achevé son récit. Enfin Holmes, étendant son long bras, lui tapota la main avec une expression de sympathie dont il m'offrait rarement le spectacle. « Pauvre jeune femme, dit-il, pauvre jeune femme, les voies du destin sont vraiment impénétrables. Quelle sinistre plaisanterie que ce monde s'il n'est pas ailleurs de compensation à ses misères. Mais dites-moi, que devint Leonardo? Je ne devais plus le revoir, jamais il ne me donna de ses nouvelles. Peut-être eus-je tort de lui garder une âpre rancune. Il eût aimé tout aussi aisément un des phénomènes de la troupe que ce qu'avait laissé de moi la dent du lion. Mais une femme ne se déprend pas si vite. Il m'avait abandonné dans la gueule de la bête, il m'avait trahi dans la nécessité, cependant je refusais de l'envoyer à la potence. Pour moi, personnellement, je n'avais aucun souci de ce qui arriverait. Pouvais-je en effet craindre rien de pire que ma vie actuelle? Mais je m'interposais entre Leonardo et le sort qui l'attendait. Et il est mort? Mort noyé le mois dernier, en se baignant près de Margate, je l'appris par un journal. Qu'avait-il fait du gourdin? L'invention de cet instrument est bien le détail le plus curieux, le plus particulier de toute votre histoire. Au sujet du gourdin, je ne saurais, monsieur Holmes, vous répondre de façon précise. Il y avait près du camp une carrière de craie qui dominait un étang très profond, peut-être qu'en fouillant l'étang. Bon, ça n'a pas d'importance aujourd'hui. L'incident est clos. Oui, l'incident est clos, répéta Mrs. Rander. Nous nous étions levés, mais frappé du ton dont elle avait prononcé les derniers mots, Holmes la regarda vivement. Votre vie ne vous appartient pas. Gardez-vous d'en disposer, dit-il. En quoi serait-elle utile à personne? Qui peut savoir? L'exemple d'une souffrance patiemment supportée est en soi la plus précieuse des leçons dans un monde dévoré par l'impatience. Elle leva son voile et s'approchant de la lumière. « Supporteriez-vous patiemment ceci ? » demanda-t-elle. C'était horrible. Aucun mot ne traduirait la forme d'un visage, d'où a disparu le visage lui-même. De beaux yeux noirs, bien vivants, et qui regardait avec une tristesse infinie, dont un amas de chair grise rendait la vision encore plus atroce. Holmes leva la main dans un geste de protestation et de pitié, et tous les deux nous quittâmes la chambre. Deux jours plus tard, quand j'allais voir mon ami, son premier soin fut de me montrer, non sans quelque orgueil, une petite fiole bleue posée sur le manteau de la cheminée. Elle portait l'étiquette rouge des poisons. Quand je la débouchai, il s'en exhala une agréable odeur d'amande. « Acide prussique, » dis-je. « Oui, cela m'est venu par la poste, accompagné d'un petit mot. Je vous envoie cet objet de tentation et me conformerai à votre avis. » « Je ne pense pas, Watson, avoir à vous nommer la femme qui m'a fait cet envoi. » Ainsi s'achève la pensionnaire voilée par Arthur Conan Doyle.